pray the heck fix. long time ago. I love it. Hi everyone. Hi everyone. Welcome. If someone want to take drums, don't hesitate. I'll go away. I'll fade. Tapping is awesome. Well, that's thank you. see. Mais les araignées sur la plage me présentent leur nouveau palais. Comment vider ce vieux grenier qui me tient lieu de cervelle sans pour autant tout foutre à la vieille poubelle? On s'attache à ces vieux souliers. Ces vieux souliers. Mais si je vois Merlin, il faut l'abattre. En bûcheron, je m'éclate quand monte l'odeur du sapin. En bûcheron, je m'éclate quand monte l'odeur du sapin. Alors, on redit je t'aime. Réfléchis à deux fois. grâce en épluchait les phalanges, en maudissant dans sa fange, toute sa petite voix du cœur, qui nous fit croire au bonheur. Et si je vois Merlin, il faut la battre. En bûcheron, je m'éclate comme l'odeur du sapin. L'odeur du sapin, je m'éclate, c'est pour la fête. Et je vends le sapin, c'est pour la fête. Pour la fête, que je vends du sapin, c'est pour la fête. Shall we speed it up? Shall we speed it up? Yeah. Hi. trouble.